personne va nous sauver. Mais ça on le savait. Il s'avère qu'il y a des armes de guerre donc ça va. Du côté de ceux qui la ferment quand ils savent. Qui a terre à peur de frotter quand ils se lavent. Ok, gros bolide allemand, Kalashnikov scandinave. Scotture de gore avant le plavant. Tracteur à faire à des gravants. Remontez pas la posture, t'espères sa fils de pute. Je la passe à Wals qui sent Johnny marque le but. Je suis pas trop dans la gestue, t'as l'air déçu. Mais des mots entre eux, ne faut que tirer dessus. Mauvaise journée, les cœurs font que tourner. Chérie, j'ai le doigt d'amassage, j'ai le dos bétonné. Demain sera meilleur, faut me pardonner. Là, je veux me reposer dehors, j'ai trop donné. J'ai fait le boulot, j'ai pas gardé derrière moi. J'ai fait le boulot, j'ai pas gardé derrière moi. Fais de l'argent en plus, t'auras problème en moi. T'auras problème en moi. J'ai fait le boulot, j'ai pas gardé derrière moi. J'ai fait le boulot, j'ai pas gardé derrière moi. Fais de l'argent en plus, t'auras problème en moi. T'auras problème en moi. D'une journée, j'ai le droit de me détendre. J'suis un peu dans la part des apaises. On t'a parlé, tu veux rien entendre. En vrai, j'ai ma place dans la rue, le rap. Faut que je prenne de la force, j'ai des millions d'ennemis sur mes côtes. Des millions de soldats qui m'écoutent. Prends soin de tes affaires, ça découpe comme si c'était banal. J'ai fait mille fois tour de Paname, j'ai fait gonfler ma scalape. Quitte à pas dormir de la nuit. Et si ça pète, vole pro qu'on parle peu. C'est comme ça où j'ai grandi. Laisse-les faire les racailles. On n'est pas là pour plaire au biatch. Pour régler le problème, j'ai la faille. Clic, clic, bang, bang et adios. J'ai fait le boulot, j'ai pas gardé derrière moi. J'ai fait le boulot, j'ai pas gardé derrière moi. Fais de l'argent en plus, t'auras problème en moi. T'auras problème en moi. J'ai fait le boulot, j'ai pas gardé derrière moi. J'ai fait le boulot, j'ai pas gardé derrière moi. Fais de l'argent en plus, t'auras problème en moi. T'auras problème en moi. D'une journée, j'ai le droit de me détendre. J'suis un peu dans la part des apaises. On t'a parlé, tu veux rien entendre. On doit pas venir pleurer après. D'une journée, j'ai le droit de me détendre. J'suis un peu dans la part des apaises. On t'a parlé, tu veux rien entendre. J'ai pas gardé derrière moi. J'ai fait le boulot, j'ai pas gardé derrière moi. Fais de l'argent.